Mais lorsque tu vas le questionner sur certains fondements, il sera souvent incapable de répondre. Ceci est contraire à la voie des savants enracinés dans la science, car il recommande à l'étudiant en science de donner de l'importance à l'étude des fondements. Et il s'étonne de ceux qui passent leur temps dans des choses secondaires dans la science. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam disait: « Je m'étonne de celui qui délaisse les fondements et se préoccupe des choses secondaires. » Et cette manière de faire, ikhwani fillah, est même contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de cela réside dans le hadith de Jibril. Car lorsqu'il est venu enseigner la religion aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par quoi a-t-il commencé? Il a commencé par les fondements et non pas par les choses pointilleuses. Et on tire de cela, ikhwani fillah, un enseignement crucial. Et cet enseignement est que dans l'étude de la science, on doit commencer par les fondements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite dans l'étude de la science. Ainsi le titre de cette épître est les six fondements. Et la question qu'on peut se poser est pourquoi l'auteur a mentionné seulement six fondements alors qu'il y a beaucoup plus de fondements que ce nombre. Et la réponse à cette question est que le cheikh rahimahullah a mentionné ces six fondements précisément pour deux raisons. La première, c'est pour que l'étudiant puisse mémoriser, comprendre et maîtriser ces fondements. Car si le cheikh rahimahullah aurait mentionné beaucoup de fondements, il aurait été très difficile à l'étudiant de tous les apprendre et de tous les maîtriser. Et ce procédé fait partie des procédés d'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait. Il lui arrivait d'enseigner à ses compagnons de cette manière. Et la preuve de cela réside dans le hadith d'Abu Huraira, radiallahu an, qu'Allah l'agré, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il en est trois à qui Allah subhanahu wa ta'ala n'adressera pas la parole au jour du jugement, ni ne purifiera, ni ne regardera, et qui auront un châtiment douloureux: un vieillard fornicateur, un roi menteur et un nécessiteux arrogant. Et donc le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Alors que les gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas parler le jour du jugement sont supérieurs à ce nombre. Nous avons aussi comme preuve un autre hadith d'Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il en est sept qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvrira de son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a mentionné le nombre 7, alors que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvrira de son ombre le jour du jugement sont supérieurs à ce nombre, comme l'ont mentionné certains savants, notamment l'éminent savant As-Suyuti, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et la deuxième raison qui a poussé l'auteur à mentionner ces six fondements est que les autres fondements de la religion reviennent à ces fondements. Donc c'est pour ces deux raisons que l'auteur a mentionné ces six fondements. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc l'auteur, il nous dit dans cette introduction: on compte parmi les choses les plus étonnantes et les signes démontrant la puissance d'Allah, le souverain, le grand dominateur, six fondements qu'Allah a exposés clairement au commun des gens, bien plus que l'on ne se l'imagine. Malgré cela, beaucoup d'intelligents de ce monde et de gens doués de raison parmi les enfants d'Adam sont tombés dans l'erreur à leur sujet, à l'exception d'un petit nombre. Lorsque l'auteur, rahimahullah, il dit « On compte parmi les choses les plus étonnantes. » Ici, le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, exprime son étonnement. Et son étonnement est dû au fait que beaucoup d'intelligents de ce monde sont tombés dans l'erreur au sujet de ses fondements. Et lorsqu'il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposé clairement au commun des gens bien plus que l'on ne se l'imagine, l'auteur veut par cette phrase qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposé clairement ses six fondements dans le Coran et que ces fondements ont tellement été bien exposés et de manière claire que même les gens du commun les comprennent. Et en plus d'avoir mentionné ces fondements dans de nombreux versets dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a également montré l'importance de ces fondements en nous montrant la récompense de ceux qui ont suivi ces fondements et la punition de ceux qui les ont contredits. Prenons l'exemple du premier fondement qui est l'unicité. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le tawhid à de nombreuses reprises. Et en plus de cela, il nous a exposé clairement la récompense de ceux qui lui vouent un culte exclusif, tout comme il nous a exposé clairement la punition qui a touché les peuples qui nous ont précédés lorsqu'ils ont contredit ce fondement. Et tout ceci ne laisse aucun doute que ces fondements sont clairs. Mais malgré cette clarté, beaucoup de gens, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, sont tombés dans l'erreur à leur sujet. C'est pour cela que l'auteur nous dit, malgré cela, beaucoup d'intelligents de ce monde et de gens doués de raison parmi les enfants d'Adam sont tombés dans l'erreur à leur sujet. Et ceci nous montre, Ikhwani Fillah, que l'intelligence ne fait pas tout. Le tout n'est pas d'être intelligent. Le plus important est de suivre le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Beaucoup de personnes qui ont un QI élevé adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, est mentionné un nombre incalculable de fois dans le Coran et la Sunna. Et il y a de nombreuses preuves rationnelles montrant qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit être adoré seul. Malgré que ces personnes maîtrisent des sujets très pointilleux, ils sont passés à côté de cette base. Et il y a plusieurs causes qui les ont menés à tomber dans l'erreur au sujet des fondements que l'auteur a cités. Parmi ces causes, nous retrouvons le fait qu'ils ont fait prédevancer leur raison au texte. Et ceci est le cas de beaucoup d'intelligents qui se sont égarés parmi les philosophes. C'est pour cela que tu les verras parfois renier des choses claires. Prenons l'exemple du châtiment de la tombe. Ils renient cela, car selon eux, si Zayd est mort mécréant et qu'on ouvre sa tombe après sa mort, on ne trouvera pas qu'il s'est fait châtier et on ne trouvera pas sa tombe en feu, et tout ce qui s'ensuit. Et ceci, selon eux, prouve qu'il n'y a pas de châtiment de la tombe. Alors que dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce châtiment, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Aussi le fait qu'ils ont dû se mélanger et s'asseoir avec les gens de l'innovation, car ceux qui contredisent certains fondements de la religion sont les gens de l'innovation. Et il y a dans leur fréquentation d'énormes méfaits. Donc le Cheikh termine cette introduction en indiquant que seul un petit nombre n'est pas tombé dans l'erreur au sujet de ses fondements. Il nous dit, Rahimahullah, malgré cela, beaucoup d'intelligents de ce monde et de gens doués de raison parmi les enfants d'Adam sont tombés dans l'erreur à leur sujet, à l'exception d'un petit nombre. Et nous tirons de cette parole, à l'exception d'un petit nombre, deux enseignements principaux. Le premier est que les gens qui sont sur la vérité sont peu nombreux. C'est pour cela que dans le Coran, à de nombreuses reprises, Allah subhanahu wa ta'ala blâme la majorité des gens. Il dit dans le verset 116: Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans le verset 103 de sourate Yusuf: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit dans son livre intitulé Madarij al-Salikin, concernant les gens de la vérité, je cite: Les gens de l'islam sont des étrangers parmi les gens. Et les croyants sont étrangers parmi les gens de l'islam. Et les gens de science sont étrangers parmi les croyants. Et les gens de la sunna, qui se différencient des gens des passions et de l'innovation, sont étrangers. Et ceux qui appellent à la sunna et patientent face au désagrément des contradicteurs sont encore plus étrangers, mais ce sont eux les vrais partisans d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fin de citation. Le deuxième enseignement est que les gens de la sunna ne font pas de généralité lorsqu'ils parlent de l'égarement. C'est-à-dire que lorsque les gens de la sunna parlent d'égarement, ils ne disent pas « tout le monde est égaré ». Mais plutôt, ils excluent toujours un groupe de personnes. Ils disent par exemple « les gens aujourd'hui sont dans l'égarement, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde ». Ceci en conformité avec le hadith de Thauban, qui est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un groupe de ma communauté ne cessera de triompher dans la vérité sans que leurs opposants ne leur nuisent jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne les trouver en cet état. Et généraliser dans ce genre de contexte et la voix des Khawarij. C'est pour cela que nous trouvons beaucoup ce genre de paroles dans les livres du dénommé Sid Qutb, qui est le revivificateur de la pensée des Khawarij. Il dit dans un de ses livres: l'ensemble des créatures ont apostasié. Il dit cela sans exclure personne. Et ceci, malheureusement, est contraire à la voix des gens de la Sunna. Car les gens de la Sunna, lorsqu'ils parlent de l'égarement, ils excluent toujours un groupe de personnes. Et c'est ce que l'auteur a voulu nous enseigner lorsqu'il a dit cette parole, lorsqu'il nous a dit à l'exception d'un petit nombre. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.